Cette chanson ici, je l'ai écrite il n'y a pas très longtemps. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vendait dans un marché. On lui avait remis des lampes, mais cet homme croyait que ces lampes étaient de bonne qualité, qu'il refusait de faire des commentaires pour vendre. Alors, il se disait que les lampes elles-mêmes puissent faire sa propre publicité. Et lui, il passait seulement le lendemain pour retirer l'argent. Et je vous donnerai conseil quand vous allez quelque part et que quelqu'un vous vend quelque chose et qu'il fait trop de commentaires sur cette chose, n'en achète pas. Amen. Alors aujourd'hui, les églises sont devenues comme dans des marchés. C'est la crie, viens chez moi, tu auras ça. C'est la crie. Mais si Jésus est Seigneur, laisse Jésus faire sa propre publicité. Oui, je crois que Jésus fait sa propre publicité. Tu risques de beaucoup parler, après il n'y a rien. Laisse la chose elle-même parler. Donc c'est celle-là. Nous ne sommes pas dans un marché, oh. Nous ne sommes pas dans une foire, mais nous nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus vit et règne. Si mon Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende. Des hommes et un seul mot venant de toi, c'est ce que mon âme a besoin. L'église des dieux aujourd'hui se comporte comme ses mamans et qui crie qui persuade leurs clients à venir acheter. Mais nous, nous, nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus règne, vie. Si mon Jésus est le roi, mon frère, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est laisse qu'il descende et qu'il guérisse. Si mon Jésus est le Père, laisse qu'il descende et qu'il règne. Car mille mots de hommes et un seul mot venant de toi, c'est ce que moi j'ai besoin. Oh, oh, oh. Un tour dans nos églises, prends encore une fois la chicotte, renversée, Seigneur, et brise. Si mon Jésus est le roi, mes frères, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est guérisseur, de toi, c'est ce dont mon âme a besoin. Oh, oh, oh. C'est comme un homme malade et qui a froid dans son intérieur. au lieu de lui donner un vrai feu, vous lui donnez une photo de feu. Alors, quel bien ça peut bien lui faire si Jésus est Seigneur, si mon Jésus est le roi? Laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est son vœu, laisse qu'il descende et qu'il sauve. On ne fait pas de publicité pour Jésus. Jésus est vivant. S'il veut guérir, il guérit. Il a inscrit son nom sur les pages de l'histoire. Il est le seul qui a laissé une tombe vide. Et il est le fondateur de notre église. Si mon Jésus est